J'suis dans un drôle de monde. J'suis dans un drôle de monde. J'suis dans un drôle de monde. Ça met la cagoule dans le ghetto. Ça fait que t'es TP, oulala. J'ai mes idées, faut tasser au cas où. L'état veut nous baiser. Oh là, il a collé tous les fous. En plus, ce gag, il a volé tous les sous. Et sa maman, maintenant, elle pleure tous les jours. Solo, il peut plus sonner devant le four. J'ai plein de sous, j'ai plein de sous, j'ai plein de soucis. Je fais des tours, je suis dans le zoo, bébé veut des sushis. Et bizarrement, je suis plein de coups et de jalousie. Elle veut que j'épouse, elle veut que je l'aime et que je rentre aussi. Interdit de cercle, voyant tu le sais. Niage veut du platin, y'en a qui m'ont laissé. Ça sert à rien d'être pressé ou de menacer. Le bon Dieu fera ça, et vous le connaissez. Je suis dans un drôle de monde. Il voulait déjà m'enfoncer dans le trou, je venais d'apprendre à marcher. J'ai vu un fils de l'autre jour et la journée il me l'a gâché. Tous les mois un jeune se fait assassiner. Le petit grandit, il veut un canon scié. Tu prends la street et cherches à dulciner. Sache que pour faire des sous, moi j'ai chiné. Moi j'ai chiné, moi j'ai chiné, moi j'ai chiné. Sous les montres chéri, j'hallucinais, hallucinais, hallucinais la famille. Sur la costa, sur la costa, sur la costa del sol. Avec ma cosa, ouais ma cosa, on fait la pause au soleil. Donc les envieux, envieux, et rien que j'fume la beuh. J'suis dans ma bulle agro, donc j'réponds plus l'agro. Donc les envieux, envieux, et rien que j'fume la beuh. J'suis dans ma bulle agro, donc j'réponds plus l'agro. J'suis dans un drôle de monde.